Et d'exception, sensible ou radicale, parfois envoûtante, souvent énergisante, ausculte la condition humaine et témoigne de notre temps. Venez à la rencontre de créations venues de Québec et Montréal, de France et de Grèce. Nul autre que Mathilde Monnier, Karine Ledoyen, Annie Gagnon, Ruthless Root et Frédéric Gravel nous visiteront cet automne. Billets et informations sur larotonde.qc.ca ou via Billettech. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bonsoir, chers amateurs de rock progressif et amis. On est tous amis du rock progressif. On a plusieurs nouveautés pour vous ce soir. Alors, c'est Bruno Côté, à l'animation. à la mise en onde. Mais je pensais que Bruno il ferait l'animation, mais là, il dit « je suis pas prêt, j'ai pas préparé mon micro », tout ça. Et Marc Chaunet, donc, à l'animation et au choix musical. On a 2 heures de bonne nouvelle musique rock progressif. Beaucoup de trucs, là, si c'est pas de 1 ou quelques mois, pas plus de 2-3 ans. Pour un paquet de nouveautés ce soir, d'ailleurs. On va débuter avec une nouveauté que la plupart des, en tout cas, je dirais pas mal d'amateurs de rock progressif à travers le monde attendent depuis longtemps. Encore qu'on a peut-être des réserves. Pink Floyd, on a entendu parler. Donc, David Gilmour a décidé, suite au décès de Richard Wright, qui était le claviériste de la formation britannique légendaire, après son décès, donc, il a ressorti des bandes qui avaient été enregistrées en 1993 pour l'album de Division Bell, qui était leur dernier disque. Et donc, ils ont repris ces bandes-là, ils ont retravaillé à partir de ça. Puis, il a également, à partir d'un texte composé par l'épouse de David Gilmour, il a réalisé une pièce chantée, qui, je crois, sera la seule pièce chantée sur l'album, qui sera un double album, donc, de Pink Floyd qui sortira le 10 novembre prochain. Et, donc, ils viennent de faire paraître un simple intitulé Louder Than Words, donc la pièce qui devrait terminer cet album, 2 CD ou 4 vinyles, l'album The Endless River. Donc, on va débuter avec ça. Puis, on va suivre avec un groupe italien. Et si je vous disais pas qu'il était italien, probablement que vous s'en rendriez pas compte à l'écoute de cet album-là, Nodo Gordiano, l'album Nous, leur 4e disque paru cette année. Et on ira avec la pièce titre éponyme donc de cet album-là. Et vous allez voir, c'est dans les eaux de Pink Floyd, mais plus des années fin 60, début 70. Excellent, Nodo Gordiano. Et on terminera avec The Samurai of Prague, les samouraïs du Prague. Alors, c'est un groupe de plusieurs... en fait, il y a des gens de la Finlande, de l'Italie et également des États-Unis, dont c'est un projet formé par un trio formé par Marco Bernard, celui qui est derrière les projets Colossus. C'est un Italien d'origine qui habite en Finlande. Et il y a Steven Roux, qui est un Américain de la formation Resistor, qui fait évidemment les violons, les guitares. Et il y a également un Finlandais, un batteur finlandais... qui complète cette formation-là. Et puis là, il y a un paquet de musiciens. Alors lui, c'est Kimmo Porstri. Et il y a un paquet de musiciens qui participent à ça. C'est leur nouveau disque, The Imperial Hotel. Il y a des gens de la formation England, Glasshammer, Kenzo, Hinetes Negro, Anglagarde, et il y a également David Myers de la formation québécoise The Musical Box. Alors, on y va tout de suite donc avec Pink Floyd, ensuite Nodo Gordiano et The Samurai of Prague. Thank you. can we fight? Diss each other on sight. But this thing we do, these times again, rain or shine or stormy weather, this thing. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Orge, houblon, cannelle, muscade, girofle, gingembre, citrouille. Pour donner une touche spéciale à vos réunions entre amis, La Barberie vous propose la cuivrée à la citrouille. Cette bière épicée d'une grande favorite. Servie en fût, sa délicate saveur plaît à tous. La cuivrée à la citrouille disponible à La Barberie dès maintenant. Orge, houblon, cannelle, muscade. En octobre, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 5 octobre, l'événement Kino Québec. Les 8 et 29 octobre, les aventuriers voyageurs. Les 15 et 19 octobre, Rencontre internationale de documentaires de Montréal à Québec présente le documentaire sur Noam Chomsky, Is the man who is tall happy? Les 16 et 26 octobre, l'Opéra national de Paris présente le ballet Balanchine mille pieds. Le 19 octobre, l'événement Antitube. Tous les lundis et mardis, le cinéma Le Clap anime le musée de la civilisation. Venez assister à des projections de la programmation du CLAP au cœur du centre-ville de Québec. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 16 au 19 octobre, L'Œil de Poisson présente la Foire en art actuel de Québec. Une occasion de découvrir une pléiade d'artistes émergents de la capitale. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. De retour avec Bruno et Marc à l'émission Terrain Incognita. Et ce qu'on vient d'entendre juste avant la pause, c'était The Samurai of Prague. C'est un disque hommage au groupe England, The Imperial Hotel, donc l'album. Et c'était la pièce Limoncello. Il y a une pièce sur ça, donc de 28 minutes, qui est la pièce éponyme. Et c'est vraiment une reconstitution d'un album de 75, comme si c'était fait aujourd'hui. Beaucoup d'artistes invités sur ça. Donc The Samurai of Prague, on avait eu Nodo Gardiano et également Pink Floyd. Donc, voyez-vous, le nouvel album de Pink Floyd et le premier extrait Louder Than Words. On y va maintenant en Angleterre. On poursuit en Angleterre avec un groupe que je viens de découvrir qui est vraiment éclaté. C'est le groupe Regal Worm. Là, ça, c'est leur premier disque paru l'an dernier. Ils viennent de juste d'en faire paraître un autre. Alors, c'est intitulé Use and Ornament. Et leur nouveau, c'est Neither Use Nor Ornament. Alors, il y a un concept dans ça. C'est quand vous avez le goût là, de vous laisser surprendre par un album, c'est l'album à vous procurer. Regal Worm, on écoutera une pièce. Il y en a qui sont encore plus éclatés que ça, mais ça sera une pièce quand même assez conventionnelle, si on veut. Quoique, il y a une référence dans ça au King Crimson des années 70-71 avec Mel Collins. Vous allez voir dans cette pièce-là intitulée The Mardi Gras Turned Ugly in Seconds. Alors ça, c'est pour Regal Worm, et on va poursuivre justement parlant de King Crimson et de Mel Collins. Avec King Crimson, c'est tiré de The Elements. C'est un coffret de deux disques qui vient de sortir, une compilation en fait d'extraits de studio, de petites pièces inédites d'enregistrement qui ne sont jamais parues en CD. Et ça relate la carrière de King Crimson sur 1969 à 2014, donc toutes les époques, si on veut, y sont représentées. Et on ira de la pièce A Scarcity of Miracles. C'est sorti, ça, étant donné que King Crimson vient tout juste de faire une tournée américaine de plusieurs villes aux États-Unis avec cette nouvelle formation. Donc, il y a Mel Collins, hein, qui était présent dans les albums In the Wake of Poseidon, Lizard et Island en 70 et 71, donc qui est là de retour. Il y a Jaco Jagzik qui assure la guitare et la voix. Lui, il fait partie de King Crimson. Et il y a également dans Robert Fripp, Tony Levin, Gavin Harrison, Pat Mastoletto. Il y a un autre batteur, donc c'est une formation à trois batteurs. Et il y a un autre musicien aussi dont j'ai pas le nom. Alors, de King Crimson, on aura Scarcity of Miracle, on aura également Regal Worm, et on aura Alex Carpani des États-Unis avec son plus récent album, Four Destinies avec David Jackson de la formation Vandergraaf Generator. On ira avec la pièce de Silk Road. Alors, on va découvrir ça tout de suite, ce Regal Worm. Question who I am, and neither myth nor man stand beside them. Say not what you are, but what you are. Daylight still my soul. Night falls, the secret still remain, the panic and the pain still belies them. Scarcity.

dead road that the cart moves in May. Lots of traces and rocks on the way. Hear the noise of the steps and the wheels. Wish I'd already gone with the wind. È la via della seta che segna il destino di chi vive regna. Tra ricchezze, miseria e speranza, tra odori, profumi ed essenze.

Des nouveautés, un deuxième extrait de Eccentric Orbit, un groupe américain, tiré de leur plus récent album Creation of the Humanoids, un retour après 10 ans d'absence, et la pièce By Air Express to Venus. On aura également Pendragon, tiré de leur nouvel album qui vient tout juste de paraître, là c'était le 8, dixième album en carrière, Men Who Climb Mountains, la pièce Beautiful Soul, et vous pouvez procurer ça par le biais de buildbyfriends.com. Si vous voulez, il y a les éditions spéciales aussi, double CD ou simple CD, il me semble. En tout cas, Men Who Climb Mountains, simple CD, ça vaut la peine. Et on aura la pièce Beautiful Soul. Et on terminera avec un groupe américain qui fait un retour également après plusieurs années, après 11 ans d'absence, avec un 8e album. C'est un groupe qui était plus dans le heavy prog, mais c'est pas du tout heavy sur cet album-là. Ancient, le groupe Ancient, donc des États-Unis, avec leur nouvel album The Great Divide, et on aura la pièce Circles. Mais on y va tout de suite en musique avec Eccentric Orbit. We'll be right back. strangest of all our animal instincts. Dealt by deception and a shameless ever self-promoting end. Guided by a race that fails to find a foothold of clear understanding. Still,

Le 19 octobre, l'événement Antitube. Tous les lundis et mardis, le cinéma Le Clap anime le musée de la civilisation. Venez assister à des projections de la programmation du Clap au cœur du centre-ville de Québec. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Vous n'avez pas assez de temps pour vous et votre famille? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage, le cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie à 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 1-844-255-LAV, 1-844-255-5283. Visitez notre site web pour les promotions en cours, www.gestigroup.com. De retour avec Bruno et Marc pour la dernière demi-heure de l'émission Terra Incognita. On jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On avait juste avant Ancient, c'est un groupe américain qui revient après 11 ans d'absence. C'est leur 8e album, The Great Divide. Et c'est un groupe qui a débuté en 95 et qui était c'est un heavy, plutôt de heavy prog, mais cet album-là, il n'y a pas vraiment le côté heavy du tout dedans. Beaucoup plus prog moderne, si on veut, ou aux tendances néo un peu. Juste avant, on avait Pendragon, tiré de leur plus récent album Men Who Climb Mountains, la pièce Beautiful Soul, et on avait eu Eccentric Orbit, tiré de leur nouveauté aussi pour eux après 10 ans d'absence, Creation of the Humanoids. Alors, pour la dernière demi-heure, on va y aller d'abord en Hongrie avec le groupe After Crying, et c'est leur album en spectacle qui a été enregistré en 2011, c'est paru en 2013, et c'est un album doux avec un DVD. Et le premier album, c'est l'intégrale de leur plus récent, Creatura, un album qu'ils ont réalisé en 2011. Et on aura une pièce de ça, Jatekos, qui veut dire The Gambler, celui qui joue. Ensuite, on ira avec Unreal City. Unreal City, ils ont presque terminé, là, ils ont terminé l'enregistrement. Ils sont en train de faire le mixage de leur nouvel album. On est très hâte d'entendre ça. Et on aura une pièce donc tirée de leur premier album, La Crudeltà di Aprile, la pièce Dove la luce è più intensa. Et on va terminer ça avec Quaterna Requiem de leur plus récent album, O Architetto, avec la pièce Preludium. Mais on débute tout de suite avec After Crying, en spectacle. Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim! A színpadon az After Crying! Vagy száz király, ezer év. douze morovus. Je clame dans les beignes où il y a comme bot. Marche, y'en fout, non plus. Jeune, jeune, au football, d'ailleurs, il nous s'y craint, t'y feuille, x, sem, au mon bloc. Moi, non, je suis une forgage, j'ai repten, à mon petit schwag, et je dorme, que ce ben. David Turk, moi, y'en y'en. Hey, Turk, je dois te guider, j'y rentre, ne s'y saigne, mine de qui s'y rentre. Széles fejsze mosolyog. Segíts, itt hagytak, nem segít, se varázs, se kincs. Úgy fest, hogy nincs tovább, és nem jön úgy király. Élsz, még lesz ki élni, lát. Félsz, és nem teszel csodát. Mondd, 25 csapás, sok-e vagy kevés. Lesz majd kis szélbe szór, lesz ki kőbevés. Száz karját fonja rád egy összeesküvés. Hé, egy táncol össze még. Látsz, mert innen nyerni szép. We'll be right back.